Le président congolais Denis Sassou Nguesso a fait parvenir le 28 juillet un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a formulé ses félicitations chaleureuses au maréchal Kim Jong-un à l'occasion de sa promotion au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée au nom du peuple, du gouvernement congolais et du sien. Il a exprimé sa volonté de s'efforcer pour développer activement les relations d'amitié et de coopération coréo-congolaise et a souhaité grand succès dans le travail du maréchal Kim Jong-un.